Yesterday, I spoke about whose life is protected, whose life is not protected, and how we can protect our lives by refraining from doing wrong by way of body, speech, and mind. Hier, je vous ai parlé de la protection. Je vous ai expliqué quelles sont les personnes qui sont protégées, quelles sont les personnes qui ne le sont pas. Je vous ai également expliqué comment il fallait faire pour que la vie soit protégée en respectant les préceptes moraux. Dès le moment où l'on comprend que les conséquences d'une moralité défaillante sont mauvaises, sont négatives, dès le moment où l'on voit le caractère néfaste de ces comportements négatifs, on sera en mesure de prendre la décision de respecter les préceptes moraux. C'est donc parce que l'on comprend que ce n'est pas bon qu'on peut décider de respecter les préceptes moraux et de contrôler son comportement. La personne est dominée par les empêchements et en conséquence, elle rompt ses préceptes moraux. Imaginons par exemple quelqu'un qui soit en colère. Il est dominé par l'empêchement de la colère et sera très facilement amené à tuer. S'il est dominé par l'avidité, il sera très facilement amené à voler ou à se méconduire sexuellement. Et si quelqu'un est dominé par l'ignorance, s'il ne sait pas faire la différence entre ce qui est positif et ce qui est négatif, il va très facilement mal se conduire. Nous respectons les préceptes moraux, mais il faudra cependant continuer à travailler pour débarrasser l'esprit des tendances négatives, nos ennemis, parce que, à cause de ces tendances négatives, nous sommes amenés à nous méconduire. La première chose à faire pour nous débarrasser de ces tendances, c'est de développer la concentration. Dès que la concentration aura été développée, la sagesse va pouvoir se manifester et se développer également. Sans la moralité, sans Sila, il est impossible d'atteindre la concentration. Sila, la moralité, c'est donc le fondement à partir duquel l'esprit va pouvoir devenir stable. Tant que nous n'aurons pas compris qu'il faut respecter les préceptes moraux, l'esprit ne sera pas pacifié. Mais ce fondement que constitue donc Sila est insuffisant. Il faut développer la concentration également. On peut comparer cela à la construction d'un immeuble. On commence par installer les fondations, mais c'est insuffisant. Après avoir établi les fondations solidement, on va pouvoir ajouter les murs, les portes, les fenêtres, etc. C'est la même chose ici. Le fondement, c'est la moralité, si là, mais elle ne suffit pas. Il faut en plus développer la concentration et la sagesse. Même si nous réussissons à maintenir notre esprit sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous serons confrontés à certains facteurs négatifs qui vont empêcher l'esprit de se concentrer. Nous devons donc comprendre en quoi consistent ces facteurs négatifs et réussir à les surmonter. Si nous réussissons à les observer lorsqu'ils se manifestent en nous, nous finirons tôt ou tard à les surmonter. Ces cinq facteurs négatifs sont appelés empêchements. En pali, on parle des nivarana. Ces cinq facteurs négatifs, ces cinq empêchements sont tout d'abord abhijja ou kamachanda, le désir sensuel, vyapada dosa, la colère, tinamida, la somnolence et la torpeur, udacha kukucha, l'agitation et le remords, visikicha, le doute sceptique. Dès le moment où l'un ou l'autre de ces cinq empêchements sera présent dans l'esprit, la concentration ne pourra plus se construire. Le premier de ces empêchements, c'est donc le désir sensuel. C'est le désir d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose. Dans les textes, on compare ce premier empêchement, le désir sensuel, à une dette qu'on aurait contractée. lorsque on est pris par le désir sensuel, on compare cela dans les Écritures à quelqu'un qui aurait contracté une dette. Il a fait un emprunt à la banque et il est constamment perturbé par cet emprunt. Il doit le rembourser au plus vite. En plus de cela, il y aura les intérêts. Et s'il ne paye pas à temps, la banque va le harceler. On peut comparer cette dette ou ce désir sensuel, le premier empêchement, à une tasse de café qu'on aimerait avoir. Ce désir d'avoir une tasse de café va nous dire « Vas-y, où est-il ce café? Va le chercher. » Et donc, on est esclave de ce désir. On est obligé de faire toutes sortes de choses pour obtenir ce café. C'est l'emprunt que l'on a contracté parce qu'on désire avoir telle ou telle chose. Si le désir sensuel se manifeste en nous, la seule chose à faire, c'est d'en prendre conscience, de le noter. Si nous procédons ainsi, il finira par partir. Le deuxième empêchement, c'est dans Vyapada, la colère. Ce deuxième empêchement est comparé à une maladie. Les gens qui sont malades ne souhaitent rien, ils n'ont d'attirance pour rien, et en plus de cela, ils n'ont plus d'énergie. C'est la même chose lorsqu'on est pris par la colère. Lorsque on voit quelque chose d'attirant, l'avidité, le désir va se manifester dans l'esprit. Lorsqu'on quelque chose de désagréable se manifeste, c'est le mécontentement qui va se manifester dans l'esprit. Et ces choses se manifestent tout simplement parce qu'on n'a pas noté, on n'a pas pris conscience du processus de la vision, du processus qui consiste à ne pas aimer quelque chose ou à aimer quelque chose. On n'a pas noté au moment où ces choses se pénétraient dans l'esprit. Et en conséquence, après le fait d'aimer un objet, l'avidité s'est manifestée. Après ne pas avoir aimé un objet, c'est le rejet et l'aversion qui se sont manifestés. Si par contre on réussit à noter, aimer lorsque un objet agréable se manifeste, ou ne pas aimer lorsque c'est un objet désagréable, ces choses ne seront suivies ni par le désir, ni par l'aversion. Mais si l'aversion ou l'avidité se sont déjà manifestées, il faut les noter également, et elles vont disparaître de l'esprit. Le troisième empêchement, c'est Inamida, qu'on traduit par somnolence et torpeur. Cela commence par une espèce d'engourdissement de l'esprit. L'esprit se rétrécit, se contracte, et ensuite il se met à somnoler. On compare dans les Écritures ce troisième empêchement au fait d'être en prison. Quelqu'un qui est en prison ne pourra pas participer à une fête qui a lieu à l'extérieur, tout simplement parce qu'il est maintenu dans sa prison. C'est la même chose avec le yogi qui est pris par la somnolence. Il ne réussit pas à observer l'objet. Il n'arrive pas à l'atteindre, tout simplement parce qu'il est prisonnier de la somnolence. Il y a 7 méthodes pour se débarrasser de Tinamida. C'est un empêchement qui est très fréquent. Les méditants en sont souvent victimes. Même le grand disciple du Bouddha, Moggallana, a été victime de la somnolence alors qu'il était déjà un sotapanna et qu'il était en route vers l'état de sainteté. Le Bouddha lui a expliqué alors qu'il y avait 7 méthodes pour se débarrasser de la somnolence. La première méthode consiste à changer d'objet. Le méditant essaye d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais il n'y arrive pas parce que son esprit est endormi. Il doit alors observer cet esprit qui dort. Il doit observer les sensations d'engourdissement. Parfois, le simple fait de diriger l'attention vers les sensations d'engourdissement va avoir pour conséquence que la somnolence va disparaître. La deuxième méthode consiste à réciter un texte qu'on connaît par cœur, le réciter mentalement. Donc, ce texte qu'on va répéter mentalement peut avoir un rapport avec la pratique. On peut par exemple réciter les qualités du Bouddha. On peut réciter la formule d'hommage au Bouddha. Mais ça peut également être un texte qui n'a rien à voir avec la méditation, comme par exemple l'hymne national. Le simple fait d'appliquer l'esprit à ce texte va avoir pour effet de dissiper la somnolence. Si vous ne réussissez pas à vous débarrasser de la somnolence en récitant silencieusement ces textes, vous pouvez les réciter oralement, à haute voix, mais très doucement. La troisième méthode, si les deux premières n'ont pas marché, c'est de se tirer les oreilles, de se tordre les oreilles, de façon à amener du sang dans la tête. Ça va peut-être aider à faire disparaître la somnolence. Vous pouvez aussi vous tapoter le corps. Vous pouvez aussi ouvrir les yeux. Ça va peut-être rafraîchir votre esprit. Et si le fait d'ouvrir les yeux ne suffit pas, vous pouvez diriger votre regard vers la lumière. Et si toutes ces cinq premières méthodes ne fonctionnent pas, vous pouvez vous lever, aller à la salle de bain et vous rincer le visage. Même si vous n'aimez pas trop faire cela, je le mentionne parce que c'est la sixième méthode pour se débarrasser de la somnolence. Et enfin, vous pouvez passer à la méditation en marche, vous quitter la salle et vous pratiquer la marche. Dès que vous constatez que votre esprit est redevenu alerte par une ou l'autre de ces méthodes, vous recommencez à pratiquer en posture assise comme précédemment. Et enfin, la dernière méthode, la toute dernière, c'est d'aller au lit. Il est important de se débarrasser de la somnolence si on veut développer la concentration. Ce qui est important, c'est d'en avoir vraiment le désir. Le quatrième empêchement, c'est Udacha Kukucha, l'agitation et le remords. L'agitation, c'est lorsque l'esprit est séparé de l'objet. Il n'est plus sur l'objet, il s'en éloigne et s'éparpille. Le remords, c'est le fait de se souvenir d'actions négatives que l'on a faites dans le passé et qu'on n'aurait pas dû faire. Ou alors, on se souvient d'actions positives qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites dans le passé. D'avoir des remords est tout à fait inutile. Si, par exemple, on se souvient d'actions négatives que l'on a faites dans le passé, la meilleure chose à faire, selon Sayadaw Panyasami, c'est de l'oublier. Car cela ne sert à rien d'y repenser, ça ne va amener que du chagrin. Cela n'a aucun intérêt de repenser à des choses qu'on a faites dans le passé et qu'on n'aurait pas dû faire. Il faut oublier ces choses. J'ai moi-même fait cela pendant tout un temps, mais cela ne fait que introduire dans l'esprit du mécontentement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Cet empêchement, l'agitation et le remords, est comparé à quelqu'un qui aurait le statut d'esclave. Un esclave ne peut rien faire librement, il ne peut prendre aucune décision pour lui-même, il est obligé d'obéir à son maître. Lorsque l'esprit est pris par Udacha Kukucha, il ne peut rien faire, il doit obéir à ses pensées. Si vous êtes pris par Udacha Kukucha, la seule chose à faire, c'est d'en prendre conscience, de noter cet état d'esprit. C'est de cette façon que vous allez réussir à l'évacuer de l'esprit. Le dernier empêchement, c'est le doute sceptique. La personne qui est prise par le doute est incapable de décider de quoi que ce soit. Elle hésite constamment. On compare dans les Écritures le doute à quelqu'un qui voyagerait avec beaucoup d'objets précieux. Parfois, des gens pourraient penser que le fait de douter, de se poser des questions, est une attitude sage. Mais en réalité, il se trompe, car le doute, ce n'est pas la sagesse. Lorsque le doute se manifeste en nous, nous devons tout simplement le noter comme tel. La chose la plus importante à faire, si nous sommes pris par l'un ou l'autre de ces empêchements, c'est d'en prendre conscience, de le noter. Nous devons noter ces empêchements lorsqu'ils sont là, nous devons fournir pour cela un effort et appliquer l'esprit à cet objet. C'est de cette façon que nous allons les évacuer et empêcher leur apparition. Lorsqu'on pratique en posture assise, on commence par observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Pour pouvoir observer ces deux mouvements et tout ce qui se manifeste à chaque instant de façon prédominante, il faudra développer l'attention. Et on développe l'attention en fournissant un effort et en appliquant l'esprit à l'objet. Si nous fournissons l'effort, nous allons développer notre attention. Au début, cette attention sera encore faible, mais plus nous fournirons d'efforts, plus elle va devenir stable et solide. Pour que l'attention devienne forte, il faut deux facteurs, il faut l'effort et il faut l'application de l'esprit à l'objet. On peut comparer cela au jeu des fléchettes. Lorsqu'on lance nos fléchettes, nous devons fournir une certaine énergie pour propulser la fléchette, mais nous devons également viser la cible. Et lorsqu'on pratique la méditation, on va donc essayer d'appliquer l'esprit à l'objet, et ceci va équilibrer notre effort. Le fait de vouloir atteindre l'objet, d'appliquer l'esprit à l'objet, va nous permettre de doser correctement notre énergie, notre effort. Il ne faut pas noter l'objet avant qu'il ne soit apparu. Nous ne devons pas essayer de le noter après qu'il soit apparu. Il faut le faire dans l'instant présent. Il ne faut pas non plus fournir trop d'efforts, mais il ne faut pas non plus ne pas en fournir assez. Si donc nous fournissons l'effort et que nous appliquons l'esprit à l'objet, l'attention va se stabiliser sur l'objet. Une fois que l'attention se sera stabilisée sur l'objet, il devient impossible pour les empêchements de pénétrer dans l'esprit. Il n'y a plus de place pour cela. Lorsque l'esprit est appliqué à l'objet, on peut dire qu'il est devenu très stable et il n'y a de place que pour l'attention. On peut comparer cela à quelqu'un qui serait assis sur une chaise. Lorsqu'il est assis sur cette chaise, personne d'autre ne peut occuper cette chaise. C'est la même chose avec l'attention. Lorsqu'elle est installée, établie sur l'objet, il n'y a aucune place pour les empêchements. Lorsque l'attention est bien établie sur l'objet, on pourra constater qu'il n'y a de place pour rien d'autre. L'attention occupe toute la place. Si malgré tout, à un moment, l'un ou l'autre des empêchements pénètre dans l'esprit, il faut immédiatement le noter de façon à le surmonter, à le faire disparaître. Il est donc très important de noter l'objet qui se manifeste de façon prédominante à chaque instant avec effort et application de l'esprit. Si les empêchements sont déjà là, il faut s'en débarrasser au plus vite. On compare parfois les objets qui se manifestent en nous comme des visiteurs qui frappent à la porte. Lorsque vous êtes chez vous et que quelqu'un frappe à la porte, vous savez que c'est une personne importante, vous allez vers lui et vous l'accueillez. C'est de la même façon qu'il faut procéder avec les différents objets qui vont frapper à la porte de l'attention. Il faut que nous soyons décidés à aller à leur rencontre. Pour faire cela, nous devons disposer de deux facteurs. Tout d'abord, l'effort ardent, un effort puissant, et ensuite, le fait de diriger l'esprit vers l'objet. Le fait de diriger l'esprit vers l'objet va synchroniser l'objet avec la prise de conscience. Si nous disposons de ces deux facteurs, l'effort ardent et l'application de l'esprit à l'objet, tout naturellement, l'attention et la concentration vont se développer. Il ne faut rien faire de particulier pour cela. Je voudrais parler maintenant de la douleur et de la façon dont le yogi doit s'y prendre pour la gérer, car beaucoup de yogis ont expérimenté des douleurs. On dit que le méditant qui pratique la concentration pure va expérimenter très rapidement des sensations agréables. Par contre, le méditant vipassana va expérimenter très rapidement des sensations désagréables. En fait, les sensations désagréables dans le corps sont quelque chose de très naturel et de très normal. Dans la vie de tous les jours, on n'en est pas conscient tout simplement. Dans la vie de tous les jours, quand il y a une sensation désagréable, on change tout simplement de posture. Il est dit dans les Écritures que le changement de posture voile la douleur. Ceci veut tout simplement dire que dans la vie de tous les jours, on va changer de posture dès qu'il y a une douleur et on ne verra donc pas cette douleur. Mais lorsqu'on pratique Vipassana, on essaie de ne pas changer de posture même s'il y a des douleurs. On demande de ne pas changer de posture pour développer la concentration. Si le méditant expérimente des sensations désagréables au début de la pratique, il doit savoir que c'est tout à fait normal. Il doit tout simplement noter ces sensations désagréables. Il oublie les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ce sont ces douleurs qui deviennent l'objet primaire d'attention. Si on change trop souvent de posture, ce sera difficile de développer la concentration. Nous devons donc essayer de développer la patience par rapport à ce type de sensation. C'est la patience qui va nous permettre de comprendre la nature de cette sensation. Il y a un proverbe qui dit « La patience mène à Nibbana ». La patience, c'est souvent la patience face aux sensations douloureuses. Donc, nous devons la développer. Si nous faisons preuve de patience face aux douleurs, notre concentration va très rapidement se développer. Mais si l'attention et la concentration sont faibles, ce sera difficile d'observer les douleurs. Nous devons donc avoir d'autres méthodes. Il y a trois méthodes pour combattre la sensation douloureuse ou la gérer. Et ces trois méthodes sont comparées à une bataille. Si au cours d'une bataille, vous constatez que votre armée est plus forte que l'armée ennemie, vous allez attaquer l'ennemi. Parfois, vous constaterez que votre armée est moins forte que l'armée ennemie. Vous avez moins d'hommes et donc vous devez opter pour une autre stratégie. Vous n'allez pas attaquer de front, vous allez mener une guérilla. Il est possible également que vous décidiez de battre en retraite carrément. Si vous constatez pendant la méditation que votre attention et que votre concentration sont fermes, que votre méditation est bonne, vous pouvez adopter la première méthode. Vous allez diriger votre attention au centre même de la douleur et l'observer attentivement jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Parfois, lorsque le méditant a des douleurs et qu'il l'observe attentivement, il constate qu'elle augmente d'intensité et ceci va faire apparaître la peur dans son esprit. Mais ce n'est pas bon d'avoir peur. Pendant une guerre non plus, ce n'est pas bon d'avoir peur. Si les soldats ont peur, ils n'attaqueront pas. Vous devez savoir que si la douleur augmente d'intensité, ce n'est pas à cause de la douleur elle-même, mais c'est tout simplement dû au fait que vous l'observez plus attentivement. Vous la voyez plus clairement. Vous devez continuer à observer cette douleur, même si elle s'est intensifiée, sans réagir. Mais si vous constatez que la douleur est trop forte, que vous n'avez pas l'énergie pour l'observer, vous devrez adopter un autre type de combat. Vous allez mener une guérilla. Vous allez prendre conscience, observer attentivement cette douleur pendant un certain temps. Dès qu'elle commence à devenir trop forte, vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous allez ainsi anesthésier cette douleur et vous allez pouvoir récupérer de l'énergie. À force d'observer ainsi les mouvements de l'abdomen, votre concentration va se développer. Et dès que vous vous sentirez mieux, vous pouvez retourner à la douleur, recommencer à observer, et ainsi de suite. Elle redevient trop forte, vous revenez à l'abdomen. Vous faites ainsi des allers-retours entre l'abdomen et la sensation douloureuse. Mais parfois, ce sera impossible pour le méditant de continuer à combattre. La douleur est trop forte et il désire battre en retraite. Ceci veut dire qu'il va s'autoriser à changer de posture. Mais ceci n'est pas vraiment une capitulation, car il doit changer de posture de façon systématique. Il doit observer attentivement tout ce qui se passe au moment où il change de posture, à commencer par l'intention de changer de posture. Ensuite, il observe attentivement tous les mouvements qu'il effectue lentement. De cette façon, il maintient son attention. Il faut savoir que personne n'est jamais mort en cours de méditation. Donc, essayez de développer la patience lorsqu'il y a des douleurs. J'espère que vous pourrez tous développer ainsi votre attention, votre concentration et votre sagesse. J'espère que vous pourrez noter les empêchements lorsqu'ils se présenteront et les surmonter. Vous allez ainsi développer l'attention, la concentration. Lorsque cette concentration sera devenue forte, la sagesse va apparaître et vous pourrez expérimenter la paix. So no one has yet died of pain, as far as I know. So I hope that people will be able to develop their mindfulness, effort mindfulness and concentration, so that they will come to know the true nature of pain and gain wisdom through doing so. And may you all be able to recognize the obstacles to concentration, note them, and overcome them with your mindfulness so that you can continue to develop concentration stronger and stronger, leading to wisdom and peace. That's all for tonight. Sadhu, sadhu, sadhu.